A1. Je suis. Anna. Écoutez et répétez. Je suis français. Anna Farancille. Je suis heureux. Anna Saïd. Je suis content. Anna Masrour. Je suis fatigué. Anna Ta'ban. Je suis désolé. Anna Asif. Je suis étonné. Anna Muta'ajib. Je suis malade. Anna Marid. Je suis marié. Anna Mutazawij. Je suis célibataire. Anna A'zab. J'ai faim. Anna Jaw'an. J'ai soif. Anna Atshan. J'ai peur. Anna Khaif. J'ai froid. Anna Bardan. J'ai sommeil. Anna Na'san.